Cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Entahina fi darsina al-akhir, notre dernier dars concernant Kitab Rawdat al-Uqala, le 11e chapitre, dhikru ma ubiha min al-muzah wa ma kuriha lahu min. C'est un chapitre concernant la plaisanterie qui est permise et la plaisanterie qui n'est pas permise. Et on n'avait pas eu le temps de lire Ba'd Kalam Ahl al-Ilm fi al-Mizah. Qad hasala li ba'd Ahl al-Ilm ba'd al-Mawaqif. Et ils ont plaisanté alayhim rahmatullah. Min dhalik أن رجلا جاء إلى الإمام الشعبي رحمه الله وقال هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ Donc cet homme il a demandé à l'imam al-Sha'bi رحمه الله est-ce que c'est permis de se gratter en état d'ihram؟ قال نعم. Il a répondu نعم, c'est permis. قال مقدار كم؟ Cet homme il a insisté, il a demandé je peux me gratter combien de temps? قال حتى يبدو العظم. Et هذا c'est من باب المزاح. قال الشعبي رحمه الله. Il a répondu à cet homme en plaisantant حتى يبدو العظم. Jusqu'à ce que tes os ils apparaissent. Et pour lui montrer. Et هذا c'est mauvais. أن أحيانا pour montrer à واحد أن son كلام ربما il est pas مستقيم. Va répondre avec mitla hadha al-kalam al-latif pour lui montrer annahu dans cet exemple annahu il a le droit de se gratter la peau, il a le droit en état d'ihram ou ghayr dhalik. Lakin al-Sha'bi rahimahullah il lui a dit hatta yabdu al-'azm, tu te grattes jusqu'à ce que tes os apparaissent et tu t'arrêtes rahmatullah alayh. Wa hakadha as-su'ila al-Sheikh al-Uthaymeen rahmatullah alayh fi dars. Dans un dars, c'était sur le mariage, bab al-nikah, an ayyub al-nisa. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il avait parlé de ayyub al-nisa. Et certains défauts, tu peux refuser le mariage à cause de certains défauts, fil mar'a. Wa hakada la femme, certains défauts, mathalan physiques sur l'autre, imma l'homme, imma la femme. Fa sa'alahu ahaduhum. فواحد لي بوزي لا كيستيون لو تزوجت ووجدت ان زوجتي ليس لها اسنان هل يبيح لي هذا العيب هل يبيح لي هذا العيب فسخ النكاح. Donc la question قال هذا الرجل عشان العذيمين si je me marie je m'aperçois que ma femme elle n'a pas de dents, est-ce que c'est permis هذا الحال d'annuler le contrat de mariage؟ فقال الشيخ رحمه الله هذه امرأة جيدة لأنها لا يمكن أن تعضك. Et هذا كذلك رحمة الله عليه من باب المزاح. Il lui a répondu أن هذه امرأة جيدة. Ça c'est une épouse جيدة. الجيد c'est bien. قال لأنها لا يمكن أن تعضك. Cheikh Ibn Uthaymeen lui a dit لأنها ne pourra pas te mordre. لماذا؟ لأنها n'a pas de dents. نسأل الله أن يرحمه. وهكذا ما حصل طالب علم كان مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سيارته وكان الشيخ يسرع في السير. Donc un étudiant il était avec l'imam الألباني رحمة الله عليه dans sa voiture. الشيخ الألباني رحمه الله il conduisait vite. فقال له الطالب خفف يا شيخ فإن الشيخ ابن باز يرى أن تجاوز السرعة إلقاء بالنفس إلى التهلكة. Donc cet étudiant, il a dit à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il vaut mieux ralentir. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a démontré le fait de ne pas respecter les limitations de vitesse. Il qabil nafsi la tahluka. Ça peut pousser l'insan à un accident, à se blesser, à mourir, à se faire du mal. Faqal Cheikh Al-Albani, rahimahullah, hadhihi fatwa man lam yujarrib fi fin al-qiyada. Il a répondu en plaisantant, rahmatullah alayhi, ça c'est une fatwa de celui qui n'a jamais conduit, qui n'a pas d'expérience dans la conduite. لماذا لأن شيخ باز رحمه الله ne conduisait pas, il était aveugle. فقال الطالب هل أخبر الشيخ ابن باز؟ L'étudiant, quand il a entendu هذا الكلام من شيخ الألباني, lui a dit est-ce que j'informe شيخ ابن باز؟ فقال شيخ الألباني أخبره, informe-le. Quand tu le rencontres, tu lui diras. فلما حدث الطالب الشيخ ابن باز رحمه الله حدث الطالب الشيخ ابن باز رحمه الله بما قال الشيخ الألباني ضحك. Quand cet étudiant il a informé Cheikh Ibn Baz rahimahullah de la parole de Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz il a ri. Il a directement compris que c'est min bab al-mizah, c'est pour plaisanter. Et hatta hu il a répondu en plaisantant. Va parler Cheikh Ibn Baz rahimahullah, qul lah. Tu lui diras, ay Cheikh Al-Albani, anna hadhihi fatwa man lam yujarrib daf' ad-diyat. Intaha. Cheikh Ibn Baz rahimahullah il a dit à cet étudiant, tu diras Cheikh Ibn Baz, ou tu diras plutôt, Naam Cheikh Ibn Baz, il a dit à cet étudiant, tu diras Cheikh Al-Albani, rahimahullah, anna la parole qu'il a dit, anna, c'est la parole de quelqu'un qui n'a jamais payé diyat. Diyat, c'est le prix du sang. Et anna, en voiture, celui qui tue accidentellement un autre, il doit payer. Cheikh Ibn Baz, il a répondu, ahada, ou bihada, alayhim rahmatullah. Et d'autres waqa'i' hasalat li ahli al-ilm rahimahumullah. Donc comme taqaddam, vous avez remarqué que hada al-kalam qu'on a lu ma fi kadhib, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de rabaissement à son frère, il n'y a pas tajawuz al-had, un manque de respect, abadan. Kalamun jamil avec avec des fawa'id tayyiba, fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Et on reprend la lecture. On s'est arrêté au chapitre numéro 12. Qala al-imam ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dhikru istihbab al-i'tizal min an-nas 'amma. Hadha al-bab sabab kadhalik muhim, wa dhakara fihi istihbab al-i'tizal min an-nas 'amma. Aïe, c'est recommandé de s'isoler, de ne pas se mélanger aux autres. وَهَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ. Aïe, ça dépend de la personne, ça dépend de la situation. Allah subhanahu wa ta'ala قال في القرآن الكريم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا شَكَنَّ الْمُؤْمِنِ يجب عليه أن يفر إلى الله. On doit s'écarter de ce qui peut nous faire du mal. On doit s'écarter du haram, des endroits haram, des ambiguïtés, des mauvaises fréquentations. فهذا لا شك فيه. الإمام الخطابي رحمه الله il a un livre في هذا العزلة كتاب العزلة. C'est une référence dans ce sujet. العزلة, on répète, c'est le fait de s'isoler, ne pas se mélanger aux autres. قال إنما يريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها. C'est ça المراد بالعزلة. Le fait de ne pas se mélanger, أي ترك فضول الصحبة. أن الإنسان ne peut pas rester seul. Et ce n'est pas interdit d'avoir des amis, de fréquenter des gens. لكن ترك فضول. Des choses en plus qui peuvent faire du mal. Ça peut causer une perte de temps. Ça peut t'égarer. Il a arrêté. هذا لا شك أن الإنسان doit préserver son دين. قال وحط العلاوة. العلاوة أي c'est le plus. زيادة من الشيء. قال التي لا حاجة بك إليها. Donc c'est ça le مراد بالعزلة. Ne pas comprendre العزلة que أهل البدع والضلال من صوفية وغيرهم يمت en application. أنهم يعتزلون من الناس. حتى البعض ils ne font plus صلاة الجماعة au masjid. Ils ne font plus صلاة الجمعة avec les musulmans. Et ils se retirent, ils s'isolent dans certains endroits. تشبها بالنصارى والمشركين. Ça c'est une ressemblance aux chrétiens, à certains chrétiens et كذلك à certains mushrik. المؤمن السني il n'a pas besoin de هذا أبدا. العزلة الشرعية c'est pour s'écarter des péchés et des gens, des fréquentations qui font du mal. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن سلام أو ابن سلم ببيت المقدس قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم يعني ابن دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ دونك أبو سعيد رضي الله عنه إلى أن فرمي أن cette question elle a été posée au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et c'est un سؤال مهم. Et ça montre حرص السائل. لأن on peut pas tout mettre en application. L'insan il est limité dans les efforts, dans la science, dans le temps. Donc, essayer de se concentrer sur afdalul a'mal, c'est muhim. C'est pour ça que, كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه, أنه il a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام afdalul a'mal, وهذا في حديث أبي سعيد كذلك, et dans d'autres hadiths. لماذا لأن أحيانا, tu es limité comme تقدم dans le temps, ou dans tes capacités, dans tes moyens, et tu as un moment pour faire un a'mal, et tu peux faire un a'mal عظيم, et tu peux faire un amal أعظم. Tu peux faire une œuvre profitable, tu peux faire une œuvre encore plus profitable. ففي هذا الحال, essaye de choisir, أخي الكريم, الأعظم, الأنفع. Et là, chacun a العمل بالكتاب والسنة فيه خير, dans tous les cas. لكن, il y a des œuvres, elles sont plus profitables que d'autres. فلهذا, قال النبي صلى الله عليه وسلم, الجهاد في سبيل الله. Ça, c'est من أفضل الأعمال. ولا ينكر الجهاد في سبيل الله إلا منحرف زائغ. الجهاد هنا المقصود به الجهاد في سبيل الله. Avec ولاة الأمور, avec les gouverneurs musulmans. Bien sûr, avec فتاوى أهل العلم. أما الشغب والضياع que أهل الفتن font et qu'ils appellent الجهاد, هذا c'est من الفساد في الأرض. قال رضي الله عنه ثم ماذا أي أبخل الجهاد قال رجل في شعب من الشعاب يتق الله ويدع الناس من شره قوله في شعب من الشعاب c'est comme une vallée entre deux montagnes أي un endroit reculé فرجل في شعب من الشعاب un endroit qui se retire un homme, plutôt un homme qui se retire qui craint Allah Azza wa Jal wa yada' an-nas min sharri. Pourquoi? Pour ne pas faire du mal aux autres et qu'on lui fasse du mal. هذا الحديث il est في الصحيحين من طريق الزهري. Comme c'est cité dans la note de bas de page. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, il a un kalam jamil sur cette mas'ala dans شرح رياض الصالحين. الإمام النووي لا cite un chapitre كذلك dans رياض الصالحين في العزلة قال le chapitre numéro 69 من رياض الصالحين باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام وشبهات ونحوها dans ce titre رحمة الله عليه il a résumé le حكم combien de cités قال, on répète, باب استحباب العزلة. Donc c'est recommandé de s'isoler, de ne pas se mélanger aux autres. متى? À quel moment? قال عند فساد الناس. Quand les gens, ils ne donnent plus d'importance au dîn. Ils font de la mécréance, des péchés, des bid'a. قال والزمان أو الخوف أو فساد الزمان. كذلك une époque, un endroit mauvais. قال أو الخوف من فتنة في الدين كذلك celui qui craint pour son دين قال ووقع في حرام وشبهات أو شبهات وشبهات نعم أو الإنسان la peur de tomber dans le haram ou dans les shubah هذا c'est الحكم ne pas comprendre أن le fait de s'isoler c'est محمود مطلقا لا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a expliqué الحديث que l'imam Nuhibban il a cité l'imam Nawawi كذلك il l'a cité فقال رحمه الله قال واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. Le mieux, ce qui est préférable, ce qui est recommandé, c'est le musulman qui fréquente les autres et qui patiente. عَلَى أَذَاهُمْ. Même si ils font certaines choses, certains péchés, disent certaines paroles, là, chacun a le croyant, il n'est pas parfait, il n'est pas infaillible, encore plus à notre époque. لكن الأفضل, le mieux, c'est de se mélanger aux autres et de patienter. Avec des conditions qu'il va citer, rahmatullah alayhi. قال هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Donc, le mu'min qui se mélange aux autres et qui patiente et qui fait des efforts pour propager la vérité, pour propager le Coran ou le Sunna, pour enseigner aux autres. Et que d'alik, il aura besoin de se mélanger pour umur ad-dunya, pour travailler, etc. Voilà, chacun n'a il est أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Pourquoi ? Il y a celui qui ne se mélange pas, fi hadha al-hal, et qui ne patiente pas, ça montre une faiblesse. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أي عند الله. Le mu'min fort, أي dans son din, فخير, il est préférable, il est meilleur que le mu'min faible. قال ولكن أحيانا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة. لكن dans certains cas, le fait de s'isoler, ne pas se mélanger, c'est meilleur. Et il a cité cet exemple. Min dhalik idha khafa al-insan 'ala nafsihi fitna. Si l'insan il a peur pour son din. Matalan il n'a pas beaucoup d'ilm et il vit dans un endroit où il y a beaucoup de péchés, beaucoup de façades, beaucoup d'innovateurs, beaucoup de mécréances. Fi hadha al-hal, il s'isole et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-faraj. Et même dans ce cas, s'il a des obligations, il ne manque pas à ses obligations. S'il a des responsabilités, il doit remplir ses responsabilités. Lakin il ne se mélange pas à tout le monde. قال مثل ان يكون في بلد يطالب فيه بان ينحرف عن دينه. Dans ce cas, il doit s'isoler. Dans certains pays, مثلا فيها روافض زنادقة, et ils imposent مثلا à ce sunni de délaisser son din et ils lui mettent de la pression, etc. ففي هذا ينعزل, il s'isole, il s'écarte de هؤلاء. كذلك في بلاد الكفر. في بلاد الكفر c'est très très dangereux. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses contre le musulman qui peuvent être la cause أنه il a des manquements dans son din. بل عيادا بالله ça peut être la cause أنه il perd son din. قال أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيها أو يخشى على نفسه من الفواحش وما أشبه ذلك فهنا العزلة خير له. Dans ce cas, pour cette personne, c'est mieux de s'isoler, ne pas se mélanger aux autres. S'il a peur pour son din, à cause des fréquentations, de tomber dans la mécréance, dans l'innovation ou dans les péchés. قال ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ومن بلاد الفسوق إلى بلاد الاستقامة فكذلك إذا تغير الناس والزمان. فهذه c'est une faïda عظيمة. أن من أفضل العزلة pour toi, أخي الكريم, c'est de t'écarter من بلاد الكفر. لماذا؟ لأن في بلاد الكفر ton din il est pas en sécurité. بل à notre époque, toi-même en tant que musulman, tu n'es pas en sécurité. Et encore plus pour une femme qui est ضعيفة. فلهذا نحن on doit essayer de faire des efforts pour appliquer هذه العزلة لله. S'écarter de cet endroit, et il a le coffre ce pays, maintenant un pays de mécréance, pour se déplacer, pour rejoindre un pays musulman, l'Illah. Et c'est ce qu'on appelle Al-Hijra. Hada, c'est min afdal al-uzla. Et elle est mashrou'a, bel elle est wajiba. C'est une obligation pour celui qui a la capacité et qui n'est pas capable d'appliquer son din. Et il a le coffre, et ce sujet, wallahi alhamd, on l'a traité plusieurs fois. قال ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر et yafir bidinihi min al-fitan. Naam, beaucoup de hadith dans ce sens que Al-Khattabi rahimahullah, l'imam, il a cité dans son livre Al-Uzla, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité anna viendra une époque anna le mieux pour al-muslim ça sera de se retirer, de s'isoler et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver son din, avec bien sûr les conditions que Cheikh Al-Uthaymeen il a cité. قال فهذا هو التقسيم العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدعو إلى الحق يبين السنة للناس فهذا خير. Donc la base c'est que se mélanger aux autres c'est meilleur. On parle bien sûr nos frères croyants musulmans. أما الكفر وبلاد الكفر فالأصل c'est que c'est une obligation de quitter la terre de Kufr et de s'écarter des mécréants, ou Hagada de s'écarter des innovateurs. Wa illa wal aslan al ikhtilat huwa al khair. Pourquoi? Qala ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'ani al munkar. Limadha li anna en se mélangeant aux autres, tu pourras mettre en application des adorations, des obéissances que tu ne pourras pas faire si tu es tout seul. Mathalan al amr bil ma'ruf wa nahy 'ani al munkar, c'est un asl. C'est un fondement de notre din. Montrer le convenable et interdire, réprimander le blâmable. Et là, si tout le monde se retire, cette ibadah ne sera plus mise en application. Et les sahabes, radiyallahu anhum, ils ne se sont pas isolés. Abadan. Bal jahadu villa haqqa jihadih. Wa nasahu. Wa bayyanu. Wa wajjahu. Et ils ont montré, hatta ce din, il nous est parvenu. Hada, ça nous montre mal. Ça nous montre, anna al-mas'ala, c'est pas de l'égoïsme. On ne fait pas ce qui nous arrange nous. Là, on doit faire ce qui est le plus profitable pour notre dîn. Et bien sûr, celui qui a la capacité, enfin celui qui a du ilm, qui a de la force, qui a du sabat, qui sait différencier entre tawhid ou shirk, sunna ou bid'ah, فهذا الواجب عليه. C'est de patienter, de montrer la vérité. Et là, chaque il faut faire des sacrifices. Et là, chaque qui rencontrera shay min al-adha. On l'insultera, on se moquera, on mettra en garde contre lui, etc. لكن لا بد من الصبر. قال لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعذر خير ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر واد. Ça nous montre maintenant qu'on n'est pas tous pareils dans cette masala. Maintenant, pour un de nous, ça peut être l'afdal de se mélanger et de patienter, de faire da'wa ila Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas des savants. Et pour un autre, sa situation, ça sera le mieux, c'est que s'il peut s'isoler, ne pas trop fréquenter les autres, il a des faiblesses, il n'est pas capable de wajjaha ou là, il n'est pas capable de comprendre certaines choses, fais attention. Qala, wa bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila akhir. Hada, c'est min al-mujallad al-thalith min riyad al-salihin. Page 510. كذلك في المجلد الخامس le cinquième volume page 354 de رياض الصالحين toujours شرح شيخ ابن عثيمين قال رحمه الله ومن كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس فالافضل له العزله ومن لا يخشى فالافضل ان يخالط الناس. Donc هذا التقسيم, celui qui a peur pour son din, qu'on lui fasse du mal, ou qu'il se fait du mal à lui-même ou aux autres à cause de ses faiblesses, de son ignorance, etc. Fahada, il ne fréquente pas tout le monde, il ne se mélange pas avec tout le monde. Limala, li annahu, on lui fera beaucoup de mal. Et Obama, il fera du mal. Qala, wa man la yakhsha al-afdal an yukhalit an-nas. Lakin celui qui a la capacité et il a de la science, il a akhri, fahada, il doit montrer aux autres. Et ça, c'est naw'un min al-jihad fi sabilillah. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Et c'est ça le dalil. Donc on a ces deux hadiths. Et il y a beaucoup de hadiths في هذا المعنى, لكن on a ce hadith que l'imam Al-Hibban il a cité pour montrer fadl al-uzla, que c'est recommandé le fait de s'isoler. Et on a ce hadith, Anna, le mieux, c'est de patienter sur les autres. Donc, avec ces deux hadiths, les ulama, ils ont cité hadith tafsir. C'est mieux si de fréquenter les autres, de se mélanger aux autres, si tu peux préserver ton din, et si tu as peur de te faire du mal, le mieux, c'est de ne pas se mélanger à tout le monde. Donc, le mu'min, le croyant qui se mélange aux autres, qui patiente, ça demandera de la patience. Ils feront du mal avec leur langue ou autre. Donc, il est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux autres et qui ne patiente pas. Al-Hadith, rawahu al-Imam Ahmed, et كثير من العلماء اللي صحح parmi eux الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم فهذا حكم هذه المسألة. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن الناس عامة مع توقي مخالطتهم. Donc on a fait التفصيل. هذا c'est pas على الإطلاق. Ça c'est en cas de خوف de فتنة. L'insan, il a peur pour son dîn, il vit dans un endroit dangereux, et on peut lui faire du mal. Il m'a à lui-même, il m'a à son cœur, par rapport à son dîn. Il ne se mélange pas à tout le monde. Là, chaque hada. قال, إذ الاعتزال من الناس, لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة من مقارفة المأثم لكان حقيقا بالمرء أن لا يكدر وجود السلامة بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة. نعم, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Il y en a بعض الناس, ils se font beaucoup de mal à cause de المخالطة. أنهم rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils polémiquent, ils se mélangent, ils fréquentent. Des mufsidoun, mujrimoun, min ahli al-kufri wal-bida' wa min al-malahida, et ils se font beaucoup de mal. Wa salamatu la yu'adiluha shay. Préserve ton din, préserve ton cœur. Tu peux faire du khir, tu as la capacité, alhamdulillah, fais-le. Amma vouloir faire une chose et te mettre en danger, hada, c'est pas min al-hikma. Encore plus à notre époque et encore plus à notre niveau. Nahnu, on est face à deux dangers. Les autres et nous-mêmes. Les autres, pourquoi ? Parce qu'on vit à une époque, encore plus dans certains pays, an-nashr intashara jiddan. Fi bilad al-kufr, al-kufr wal-ilhad wal-'uri wal-fasad. Beaucoup de péchés. Il y a des bilad de la mécréance à leur combat contre l'islam et tout ce qui est lié au fitan, etc. Et كذلك dans d'autres pays, al-bid'a ou al-khurafat, etc. Et كذلك un autre danger, c'est nous-mêmes. لماذا? لأن أحيانا on rentre dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Et on devient un danger pour nous-mêmes. فلهذا السلام. On n'a pas besoin d'appliquer عزلت أهل البدع. الصوفية أنهم ils ne fréquentent plus personne, ils ne vont même plus au masjid إلى آخره. لا. الحمد لله الخير حاصل. لكن fais attention, لا تتوسع. Là, tu as aussi l'insan, il n'a pas besoin d'avoir 100, 200, 300 fréquentations. Là, à notre époque, c'est très difficile, hada, surtout dans certains endroits. Là, lakin, ne néglige pas suhbat as-salihin, tes frères al-sunnah, qui te conseilleront, qui s'entraideront ma'ak, ils feront dua pour toi, et si tu as besoin de quelque chose, ils t'aideront. Fala ifrat ou la tafrit. Wallah, alhamdoulilah, on vit à une époque, on n'a pas atteint ce niveau, on est obligé, certains, je parle pour ceux qui vivent dans les pays musulmans. Wallahi alhamd, dans les pays musulmans, il y a du khair, kathir. On n'a pas atteint ce niveau, on est obligé de s'isoler dans tel ou tel endroit et ne plus fréquenter personne. Notre dîn, il est en danger. Là, wallahi alhamd, le khair, hasil, lakin, on doit faire attention. Tu dois préserver ton dîn. Ne pas parler avec tout le monde, ne pas te mélanger avec tout le monde, ne pas côtoyer tout le monde. À chacun tu donnes son haqq. قال رحمه الله ولقد حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خذوا بحظكم من العزلة. وهذا كلام جميل. Ce athar, il a été rapporté, na'am, fi, na'am, عند البيهقي fi الزهد والزهد ابن المبارك نعم plusieurs imams ils l'ont rapporté. L'imam Ahmed il a un kitab nafis fi hada, kitab az-zuhd. Et beaucoup d'imams ils ont écrit fi az-zuhd. Az-zuhd c'est la piété, l'ascétisme et min az-zuhd c'est le fait ahyanan de se retirer pour préserver son din. Az-zuhd c'est tarku ma la yanfa' fi al-akhirah. Et ça doit être ça, notre qasd bi al-uzla al-shar'iyya. C'est de délaisser les choses qui ne sont pas utiles pour l'au-delà. Amma les choses qui sont utiles pour l'au-delà, مثلاً, un exemple simple, حضور الصلاة في المسجد للرجال, c'est une obligation à l'as-sahih. فهذا, on doit assister. Amma بعض الجهال, حتى الصلاة la délaisse, لماذا? Sous prétexte que... il faut appliquer al-uzla et s'isoler. هذا c'est من الجهل. فقال رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة. أي ayez une part de al-uzla. Ça nous montre أن al-uzla c'est pas blanc ou noir. Et je m'isole tout le temps, je vais dans un endroit, je rencontre plus personne. أو العكس je fréquente tout le monde. Là, là. قال خذوا بحظكم من العزلة. N'oublie pas d'avoir une part dans ta journée من العزلة. Pourquoi? On peut citer d'autres paroles que l'imam al-Hibban il a pas cité pour clarifier le kalam de Omar Akthar radiyallahu anhu. La parole de Masrouq rahmatullah alayhi. L'imam Ahmed il l'a rapporté dans le kitab al-Zuhd. قال إن المر لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. هذا سي quelque chose de très très profitable pour le musulman. Tu as besoin de temps en temps de t'isoler, d'être seul. On répète pas comme Ahlul Bida'a. Alors ils s'isolent et ils font des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas légiféré. Là, tu t'isoles ahyanan kadhalik. Le fait de s'isoler, ça ne veut pas dire que tu vas dans tel ou tel endroit là. Tu peux t'isoler et tu es dehors dans un endroit. Limada qala yakhlu fiha wa yadhkur fiha dhunuba. Aïe, tu te poses des questions. Tu te remets en question. Tuhasib nafsak. Limada li'anna un jour tu seras questionné, tu seras interrogé dans ta tombe le jour du jugement. Fa al-muslim min al-mufid jiddan pour lui, c'est que il est vivant et il se remet en question. Ahyanan seul et yadhkur dhunuba. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Est-ce qu'il a avancé dans le ilm? Est-ce qu'il a avancé dans les obligations? Est-ce qu'il a fait telle chose, telle chose? Hadhihi al-muhasaba linafi'a. Cette remise en question, elle est très très profitable pour t'améliorer. Fa lihadha qala fayastaghfir minha. Tu vas te rendre compte très très vite que tu as tel et tel manquement, tu as fait tel et telle chose. Fayad al-hal, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Al-imam Nutaymiyyah rahimahullah bil fatawa qala wa la bud lil 'abd min awqat yanfarid biha bi nafsihi fi du'a'ihi wa dhikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsihi wa islah qalbihi. Cheikh al-Islam rahimahullah كذلك il a dit la bud le serviteur le croyant il doit absolument avoir certains moments où qu'il est seul. Pourquoi? Pour faire du'a. Kadhalik pour faire du zikr. Kadhalik pour faire la salat. Kadhalik pour réfléchir, pour se remettre en question, pour réformer son cœur, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada ja'a fil hadith as-sahih anna min alladhina yudhilluhum Allah bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Parmi les sept catégories de ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, يوم القيامة رجل un homme qui s'est retrouvé seul dans un endroit et تذكر الله سبحانه وتعالى il se rappelle d'Allah سبحانه وتعالى et de ses manquements etc. il pleure. ففي هذا الحال c'est très très profitable. Ça montre qu'on a besoin de هذا pour se remettre en question. وإلا enfin, celui qui fréquente min as-sabah ila al-masa, du matin au soir, tous les jours, Wallahi, tu ne trouveras plus le temps de faire azkar al-sabah wal-masa. Les invocations du matin et du soir, tu ne pourras plus les faire. Le vendredi, sa'atun. Man da'a Allah azza wa jalla fiha istajaba lah, comme a akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le vendredi, il y a une heure, celui qui demande Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne. Tous les vendredis. As-sahih, c'est que cette heure, elle est après l'asr, avant le maghrib. À un moment, un al-muslim, s'il fait des efforts, fi hadha al-hal, il yad'u Allah subhanahu wa ta'ala, rubbama, il tombe dans ce moment, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne cette chose qu'il a demandé. Min hidaya wa ilm wa taqwa wa jannah, etc. Bel des choses, kadhalik, qu'il a besoin en fi dunya. Amma, celui qui fréquente da'iman, wallahi, rubbama, on ne dit pas un vendredi. Là, rubbama, sur une année peut-être. Combien de vendredis dans une année? Beaucoup de vendredis. Fa, fi, sana, peut-être qu'il ne trouvera pas le temps de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Khas, satan, si ha'oula al-julasa, ce n'est pas des salihis. Il pourra te rappeler. N'oublie pas, Akhi al-Karim, on est vendredi. N'oublie pas de faire dua. C'est pas wajib, c'est pas une obligation. Lakin, fiha fadlun azim. Wa naf'un kabir. Lil abd. Et beaucoup d'autres exemples. Fala ifrat wa la tafrit. Le juste milieu d'aiman. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala kama fi hadith Uqba ibn Amir. Radiyallahu anhu. Il lui a demandé, et Uqba radiyallahu anhu, il a demandé, « Qultu ya Rasulallah, man naja ?» C'est quoi un naja ? Kadhalik hada sans al-mufid. Et dans plusieurs hadiths, as-sahaba radiyallahu anhum, ils ont demandé « an naja ?» Et ya Rasulallah, comment être sauvé ? On doit tous se poser cette question. L'anna, tant qu'on est vivant, on est à la khatar et on est fi khatar. On est en danger et on n'est pas à l'abri. Al-hay, la tu'man alayhi al-fitna. Tant qu'on est vivant, on n'est pas à l'abri de la mécréance, on n'est pas à l'abri de l'innovation, on n'est pas à l'abri de l'égarement, on n'est pas à l'abri physiquement. Fallait, on doit d'aïman demander à Allah subhanahu wa ta'ala salam ou l'afia ou l'thabat. Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Et on doit donner de l'importance au cœur. Il y en a le physique, même si on est touché dans notre physique. Si on patiente l'amr sahl, lakin ahammu min dhalik, c'est le cœur. Kadhalik, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'afu ou l'afia. C'est pour ça que min athkar al-sabah wal-masa, il y a hada du'a. On revient au hadith. Qultu ya Rasulallah, man naja. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man naja, comment être sauvé, vu qu'on n'est pas à l'abri. Ça nous montre que les sahaba radiyallahu anhum, ils réfléchissaient comme ça. On ne doit pas penser qu'au profit de dunya, des questions que sur dunya. Comment acheter telle chose, comment gagner telle chose. Nah, hada, tant que c'est moubah, c'est permis, alhamdoulilah. Lakin si on néglige ahammu min dhalik, comment être préservé dans notre din, comment être sauvé, hada la shak anna, ça fera du mal. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, amsik alayka lisanak. Première chose pour être sauvé, préserve ta langue. Fais attention. Limadha li anna, la langue c'est une cause qui poussera kathirun min an-nas fi an-nar. Wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim ala wujuhihim fi an-nar illa hasa'id al-sinatihim. Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayyana dans notre hadith, on a beaucoup de gens, ils seront jetés dans le feu, limadha, à cause de ce qu'ils ont récolté avec leur langue. Fa hadha awwalan, si on veut an-naja, préserver sa langue. Qal wal yas'aka baytuk kadhalik, en période de fitan, pour être préservé dans ton thé, reste chez toi. Ça veut dire quoi, hada wal yas'aka baytuk? C'est que ahyanan, tu as besoin de te retirer. Tu n'as pas le qudra de montrer, de réformer, de réprimander. Fa akhi al-karim, n'expose pas ton din au danger. Ne t'expose pas toi-même au danger. Qala alayhi salatu salam, wabki ala khati'atik. Hada, ça nous montre quoi? Ça nous montre anna yawm al-qiyama. Et c'est ça l'asl, c'est ça la base. Tu seras interrogé sur toi-même, pas sur les autres. Bien sûr, tu seras interrogé kadhalik sur ceux dont tu es responsable. La clé là-bas, c'est que chacun sera interrogé sur lui-même. Falihada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wabki ala khati'atik. Kathirun minan nas, ils font une erreur, ils regardent toujours les autres. Un tel il fait, un tel il a fait, mais il a akhiré. Là, tu ne seras pas interrogé sur les autres. Tu peux montrer, montre, tu peux conseiller, conseille. Lakin, si tu regardes que les fautes des autres, tu négligeras tes fautes. Et si tu négliges tes fautes, tu ne t'amélioreras pas. Ben, ça peut causer. Annaka, tu te fais beaucoup de mal. Fi dunya wal akhirah. قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الحديث رواه الإمام الترمذي الإمام الألباني رحمه الله إلا صحح صحيح الترمذي. هذا par rapport à la parole de Omar رضي الله عنه, خذوا بحظكم من العزلة. On a tous besoin de ces moments. كذلك si tu fréquentes da'iman, wa sayati ma'ana, insha'Allah ta'ala, si tu fréquentes toujours les autres, ça va te fatiguer, tu fatigueras les autres. Tu vas sentir de la lourdeur. Wa illa va, le fait de se retirer ahyanan et passer du temps seul, quand tu fréquenteras les autres, tu trouveras, wa lillahi alhamd, ladha, une saveur. Qala rahimahullah. On passe à la page suivante, la parole de Abu Hatim. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم والتصبر على ورود الأذى منهم. هذا سبع على الإطلاق. هنا الإمام ابن حبان رحمه الله إلى منتخنا أن لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام, أي ne pas rendre service aux autres, il a akhiri, ala, c'est pas ala l'itlaq. Bel, au bas de l'humour, tu es obligé. Bas de l'humour, tu as une responsabilité, tu es obligé. Enfin, dans ce passage, il y a au bas de l'itlaqat, umoumat, tahiyaj, il a quyoud. Ahyanan, dans les paroles de l'imam al-Hibban, dans ce chapitre, il y a des généralités qu'il faut absolument préciser. قال ما وجد إلى ترك الدخول به سبيلا لأنه إذا حسم عن نفسه باب الاختلاط بالعالم والمخالطة بهم تمكن من صفاء القلب وعدم تكدر الأوقات في الطاعات. ولقد استعمل العزلة جماعة من المتقدمين مع العام والخاص معا. هذا تقدم معنا على التفصيل. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. La meilleure des voies, c'est la voie de notre prophète Mohammed alayhi salam. Sahih, an-nabad al-qudama, ils ont mis en application hada, ils ont mis en application hada. Non, ils se sont retirés, ils se sont isolés. Lakin, la meilleure des voies, c'est la voie du prophète alayhi salam. Et la voie de ses compagnons, radiyallahu anhum. Ils se sont mélangés aux autres, ils ont fréquenté les autres, ils ont propagé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et hasala khayr. Bien sûr, avec le tafsil. Celui qui a la capacité, qui peut préserver son dîn. ثم قال لو اثر numero 240 قال حدثنا محمد بن احمد بن الفرج البغدادي بالأبلة كانه سان اندرو قال حدثنا ابراهيم بن حماد بن زيد الامام ابو اسماعيل رحمه الله عليه ابراهيم بن حماد بن زيد نعم اي الامام سي لو بير حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال رؤيا نعم إلى جنب مالك بن دينار كلب عظيم ضخم أسود رابض. فقيل له يا أبا يحيى ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك؟ قال هذا خير من جليس السوء. Donc ils ont vu مالك بن دينار رحمة الله عليه الإمام. Et à côté de lui, il y avait un chien assis. Un chien noir. Faqil Allah, ils lui ont dit, Ya Aba Yahya, c'est sa kunya. Ala tara hada al-kalb, est-ce que tu n'as pas vu ce chien à côté de toi? Faqala, rahimahullah, hada khayrun min jalis al-sou. Il a dit, hada, c'est meilleur que jalis al-sou. C'est meilleur qu'un mauvais compagnon. Hada awalan yundar ila sihhati. Yundar ila sihhati. Est-ce que c'est sahih amla? قال انظر العزلة للخطابي والزهد الكبير للبيهقي. نعم. اولا دونك ينظر الى صحته. est-ce que ce affaire il est authentique? ثانيا, et ça c'est une faïda importante, ان مثل هذه المواقف c'est pas des حجج. c'est pas une preuve. لماذا؟ لان المسلم كذلك مأمور بالابتعاد عن الكلاب. On a plusieurs hadiths, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de, khasatan le chien noir, dans des hadiths, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de le tuer pour celui qui a la capacité. Wa hakadha Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prendre les chiens comme compagnons, sauf dans certains cas pour la chasse, pour la garde, etc. Hadha c'est un tanbih muhim ya ikhwan. Quand on lit, mit la hadhihi al-kutub, ou des paroles de savants, khasatan des choses qu'ils ont faites, on doit regarder la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Si le récit de cet imam, de cet homme, il est en concordance avec la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, alhamdulillah. Wa illa fa nahnu ma'mourun. Allah il nous a ordonné de suivre un nabi alayhi salatu wasalam. Limadha li'anna, tu peux t'écarter des mauvaises fréquentations et alhamdulillah kadhalik t'écarter de ce genre de bête. Fa hadha. Thumma qala rahimahullah. La page suivante, وَأَمَّا السَّبَبُ الَّذِي يُوجِبُ الْإِعْتِزَالِ مِنَ الْعَالَمِ كَافَ. Donc, les causes qui doivent pousser l'insan à s'isoler, قَوْلُهُ مِنَ الْعَالَمِ كَافَ, هَذَا فِيهِ مَا فِيهِ. سَيَأْتِي مَعَنَا أَثَرْ فِي هَذَا, نعم. قَالَ, فَهُوَ مَا عَرَفْتُهُمْ بِهِ مِنْ وُجُودِ دَفْنِ الْخَيْرِ ونشر الشر, يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة. إيه نعم, بعض الناس يسمون على هذا الحال عياذا بالله. Donc si l'insan il est entouré de ce genre de personnes, il doit faire attention et préserver son dit. بعض الناس يسمون على هذا الحال. قال من وجود دفن الخير. Et هذا ولله الحمد. C'est à l'époque d'Ibn Hibban encore moins, et même à notre époque il y a encore du khayr. Wallahi alhamd, il y a encore des hommes pieux, il y a encore des frères de qualité. Wallahi alhamd, il y a encore des savants, il y a encore des étudiants. Enfin, le khayr hasil, lakin al khayr, le bien, il faut faire des efforts pour le trouver. Enfin, on vit pas wallahi alhamd à une époque où il n'y a plus de khayr. Il viendra une époque où il n'y aura plus de khayr. كما جاء في الحديث حتى plus personne dira Allah Allah ويرفع القرآن وتهدم الكعبة. Le Coran il sera élevé dans les cieux, la Kaaba sera détruite. Ça sera à la fin des temps, n'am, ça y est, هذا. وإلا فعلى notre époque والله الحمد الخير باقي. Donc on revient toujours au tafsil de Cheikh Ibn Uthaymeen au départ. On revient toujours à la précision de Cheikh Ibn Uthaymeen au départ. Si ça fait du mal au dîn, n'am, l'insan il s'écarte. قال ونشر الشر يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة. أما هؤلاء, نعم, هؤلاء لا خير في صحبتهم sauf pour les conseiller, leur montrer. وإلا s'ils acceptent pas, فهؤلاء ils font beaucoup de شر. يدفنون الحسنة, ils regardent que les péchés des autres, et الحسنة يدفنونها, ils l'enterrent. وهذا لا ينبغي, لابد من العدل. أما في التحذير من أهل الزيغ والباطل, فالعلماء يمونتخ البدعة. C'est pas une condition de montrer الحسنة dans la mise en garde. لماذا؟ لأن le but de la mise en garde c'est التحذير. الإنسان si il a du علم et il met en garde contre une autre pour une بدعة qu'il a fait ou de la mécréance ou autre, ففي هذا الحال لا شك أن مقام التحذير c'est pour citer l'égarement. On n'a pas besoin de citer les bonnes actions, il va la mise en garde, elle n'a plus aucune valeur. هذا معروف. قال فإن كان المرء عالما بدعوه وإن كان جاهلا عيروه وإن كان فوقهم حسدوه وإن كان دونهم حقروه وإن نطق قالوا مكثار وإن سكت قالوا غبي وإن قدر قالوا مقطر وإن سمح قالوا مبذر. نعوذ بالله من مثل هؤلاء الجلساء. صحيح بعضهم يسون هكذا. يسون هكذا. Quoi que tu fasses, ils critiqueront. Si le mort il a du ilm, si cet homme ou cette femme ils ont de la science, ils diront c'est un ignorant. Si il les a dépassés dans certaines choses, que ce soit dans concernant ad-din ou ad-dunya, ils le jalouseront. Wa in kana dunahum, s'il est en bas d'eux, que ce soit fil ilm, il a moins d'ilm qu'eux, au niveau dunya, il est inférieur à eux, ils le rabaisseront. Et nataqa, s'ils parlent, ils diront, ils parlent beaucoup. Si c'était, ils disent, hada, c'est un rabbi, ils ne parlent jamais. Ils sont hakada, ils sont jamais satisfaits. Wa in qadara qalu muqattir ila akhir. Fa mithla haula akhi al-karim. Mithla haula akhi al-karim. Les fréquenter, ça fait beaucoup de mal. Les hada, préserve ton din. Wa sahib al-akhyar. Et on détaillera pas ce point concernant les fréquentations. L'imam Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité un chapitre juste après ou le chapitre encore après sur les fréquentations. ثم قال رحمه الله قال أبو حاتم العاقل يعلم أن البشر مجبولون على أخلاق متباينة وشيم مختلفة فكل واحد يحب اتباع مساعدته وترك مخالفيه فمتى رام المرء من أخيه ضد ما وطن نفسه عليه قالا وإذا تبين له منه بخلاف ما أضمر عليه قلبه مل ومن الملال يكون الاستثقال ومن الاستثقال يكون البغض ومن البغض تهيج العداوة فالاشتغال بمن هذا نعته للعاقل حمق ثم il a montré أن le fait de fréquenter, de se mélanger aux autres, خاصة sans ضوابط, sans قيود, qu'on a cité au départ, se mélanger avec tout le monde, polémiquer avec tout le monde, là, chez Kanna, les gens, ils sont différents. Tu trouveras quelqu'un qui est plus nerveux que toi. Tu trouveras quelqu'un qui parle plus que toi. Tu trouveras quelqu'un qui veut imposer son avis. Tu trouveras quelqu'un qui veut que tu le suives. Tu trouveras, il a akhre. Se mélanger à mitla haoula, qui n'ont pas de limite. Fi dinillahi azza wa jalla. Ba'dhum, ils n'ont pas de séquoyoud. Matalan, ils parlent et ils veulent imposer leur avis. Et لا يتقون الله ففريكونتي هؤلاء ça fait beaucoup de mal والا tes frères على sunna wa ala ilm wa ala adab et qui aiment al khair les fréquenter on le répète il y a beaucoup de fawaid قال وهيب ابن الورد c'est un athar qu'on rajoute important avant de conclure ابن حبان il a pas cité vous l'avez pas dans le livre قال وهيب ابن الورد قلت لوهب ابن منبه إني أريد أن أعتزل الناس. Il a demandé à cet imam Wahb ibn Munabbih min a'immati as-salaf. Il lui a demandé, je veux m'isoler. Je ne veux plus fréquenter les gens. فقال لي, il lui a répondu un jawab jami' qui résume tout ce qu'on a vu. ولله الحمد قال لا بد لك من الناس وللناس منك. Tu as forcément besoin des autres et les autres, ils ont besoin de toi. Ça veut dire quoi, Hada? Ça veut dire que tu ne peux pas vivre isolé. Que ce soit pour ton din, ou que ce soit pour Omur Dunya. Tu as besoin de travailler, tu as besoin de manger, tu as besoin d'acheter, tu as besoin de vendre, etc. Ou Hakada pour ton din, tu as besoin de faire Salat Jama'a, tu as besoin de te marier, tu as besoin de beaucoup de choses. Qala لك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا نصيحة جميلة Il a conseillé donc tu as forcément besoin des autres et les autres ils ont besoin de toi et tu peux pas vivre seul tu es obligé de te mélanger aux autres لكن il lui a donné ce conseil vu que tu seras forcément obligé de te mélanger aux autres قال confihim, lakin quand tu es avec les gens, sois assam et semia. Vous avez remarqué, il a cité les deux opposés. Assam, ça veut dire sourd, et semia, ça veut dire tu écoutes. Hada, ça montre quoi? Ça revient au chapitre qu'on a vu auparavant, al-mudara. Et ahyanan, tu dois écouter. Tu dois écouter, matalan, tes parents, ils te parlent, tu dois écouter. Les savants, ils parlent, tu dois écouter beaucoup de choses. Ahyanan, fais comme si tu étais sourd. Dans la rue, tu vas entendre une parole, fais comme si tu étais sourd. Ou illa, si tu viens à t'arrêter à chaque mot, tu te feras beaucoup de mal. Na'am, tout ça bien sûr avec l'uzum taqwallah et l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Qala a'ma basiran, la même chose. Sois aveugle des fois et des fois sois basir, regarde, ouvre les yeux. Ahyanan, tu es obligé de fermer les yeux. Ahyanan, il y a du haram, tu es dans un endroit, ferme les yeux. détourne ton regard. Ahyanan, tu vois certaines choses, ferme les yeux. Et ahyanan, tu dois regarder. Qala sakutan natuqan. Sakutan, ça vient du mot sukut. Ahyanan, tu dois te taire. Natuqan, ahyanan, tu dois parler. Ahyanan, même si tu as raison, min al hikma, c'est de te taire. L'imam Ali en a parlé, ça rajoute que du mal. Et celui qui est en face, il ne veut pas écouter. Tais-toi. Tu as fait ton obligation, il ne veut pas écouter. Et ahyanan, tu dois parler. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc c'est pour ça on le répète, on ne pas croire en هذا الباب أن الإنسان il n'a pas de responsabilité, on pense qu'à nous l'égoïsme. لا, أحيانا on doit parler, أحيانا on doit faire نصيحة, لأن الشيطان des fois il nous fait croire أن se sauver, fuir, c'est la solution. أبدا. الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا كما تقدم معنا جاهدوا الأعداء كذلك أئمة السنة jusqu'à nos jours ولله الحمد ils font des sacrifices, ils parlent et certains ils attaquent leur honneur بغير حق فنحن كذلك chacun selon sa capacité on doit montrer la vérité, on doit patienter. Et أحيانا bien sûr il faut s'isoler quand il n'y a plus de faïda, il n'y a plus de profit. كذلك قال سفيان الثوري رحمة الله عليه في الجرح والتعديل عليك بتقوى الله عز وجل والزم العزلة واشتغل بنفسك واستأنس بكتاب الله عز وجل. تأمل قوله رحمة الله عليه. Vous connaissez tous سفيان الثوري الإمام رحمة الله عليه. Il a dit عليك بتقوى الله عز وجل. C'est ça la base. Ça veut dire quoi هذا? Ça veut dire que العزلة, tu fais pas ce que tu veux. Là, tu dois craindre Allah. Parmi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ahyanan, c'est de se mélanger, de parler, de montrer, de patienter, de conseiller, ila akhir. Qala walzam al-uzla. Et ahyanan, tu auras besoin de l'uzla. Léana, tu peux montrer, tu peux parler, tu peux conseiller, lakin sans fréquenter du matin au soir. Vous vous rappelez du athar de Omar? On doit tous avoir une part de uzla, des moments pour s'isoler. قال واشتغل بنفسك. N'oublie pas هذا. Sans oublier les autres. لأن les autres ils ont un حق sur toi, خاصة si tu as des connaissances et la capacité. لكن la base c'est اشتغل بنفسك. Personne ne fera les efforts à ta place. Personne ne répondra aux questions dans la tombe à ta place. Le jour du jugement, personne ne répondra à ta place. كل نفس بما كسبت رهينة. هكذا قال عز وجل. On est tous responsables de nos actes. Qala wasta'nis bi kitabillah azza wa jalla. Sta'nis. Léana, si tu t'isoles, en fait, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Li kalamullah subhanahu wa ta'ala. Tu vas lire des paroles de Rabbul Alamin qui vont faire revivre ton cœur. Wa hakada, donne du temps à la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Kadhalik, la biographie des compagnons du prophète radiyallahu anhum. Certains imams, ils disaient, Anna, si tu veux être en compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, lis des hadiths. Sahih, tu lis ahyanan et tu vis la chose. Même si tu es seul. Tu es seul dans une pièce, lakin avec les livres, avec la science. Awalan le Qur'an kalamullah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie. Kadhalik, les récits des savants de la Ummah. Tu verras que tu n'es pas seul. Ça va raffermir ton cœur. Ça va augmenter ta foi. Et bi-idhnillahi azza wa jal, tu seras préservé ici-bas et dans l'au-delà. Pour finir, une dernière remarque que Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il a un ta'liq tayyib sur Rawdatu al-Uqala. Et à la fin de ce chapitre, il a fait un ta'liq tayyib. Il a précisé en fi zamanina nou'un min al-mukhalata lam takun qabl. On vit à une époque en il y a une fréquentation qu'il n'y avait pas à l'époque. Cette fréquentation c'est al-mukhalata bi al-jawwal, internet, les réseaux. En d'autres mots, tu peux être tout seul chez toi, lakin tu n'es pas isolé. Bel Pardon, ils sont tous seuls dans leur chambre et ils fréquentent un tas de minimnes, bel min al-furq. Un jour, il polémique avec un chrétien. Le lendemain, il polémique avec Al-Khawarij, avec un Da'ishi mina Ad-Dullal. Thumma Ikhwani, thumma avec un ignorant. Thumma Iyadan Billah, avec des Foussaq. Thumma des péchés, thumma, thumma. Et هذا الإنسان, il est tout seul. Et ils sont déjà sept dans cette pièce. Lakin Iyadan Billah, il expose son cœur à ces mauvaises fréquentations. Comme minan nas, dhallu. Anahum, ils sont chez eux. Et dhallu à cause de هذا. Et des choubouhats, elles sont rentrées dans leur cœur. فاحذروا هذا الجوال, ce téléphone qu'on a tous là. Vous avez remarqué, même la génération de nos parents, ils ne peuvent plus s'en passer. لماذا لأن هذا الجوال سنجليس, c'est un compagnon. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que les compagnons, il y en a deux. مثلو الجليس الصالح والجليس السوء. Enfin, ce téléphone, ça peut être un bon compagnon. Tu t'en sers pour écouter le Coran, pour assister à des cours, pour faire des recherches, pour contacter des membres de ta famille, la akhir, alhamdulillah, ça sera une ni'ma parmi les ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, ça peut être une ni'ma. Ça peut être une fitna que tu as dans ta poche tous les jours. Vous avez remarqué qu'à notre époque, les enfants, ils sortent beaucoup moins. À notre époque, nous, notre génération, on était exposés à certains dangers en tant qu'enfants, des fréquentations dehors. Quand on rentrait chez nous, alhamdulillah, avec les parents, il a akhir. Un, tu trouves sept enfants, il sort plus. Il sort beaucoup moins que notre génération à l'époque. Lakin, il est dans sa chambre et il est exposé à de nombreuses fétaines. Les jeux vidéo, Al-Fassad, s'il s'intéresse au din, les groupes égarés, il a arrêté. Les mains d'Aliana, ce jour où il t'ouvre les portes à différentes catégories sociales, différentes furaqs dans le din. Tu prends n'importe quel domaine. Oh, ça donne encore plus ces dernières années avec les réseaux sociaux. On doit craindre Allah Azza wa Jal. Donc, tout ce qu'on a vu, min al-uzla, c'est pas que s'isoler physiquement. Là, c'est s'isoler physiquement et kadalik avec son cœur à notre époque. Oh, ça donne avec ces nouveaux moyens de communication. Enfin, on doit élever nos enfants à al-hada. Ihdar, fais attention de ne pas faire cette erreur. Wallahi, ce téléphone, c'est comme une drogue. Si cet enfant, il s'habitue à ce téléphone, ton enfant, aujourd'hui, il est petit, il sera éprouvé par certaines fitaines d'enfants, des représentations interdites, etc. Plus il grandira, plus son cœur sera exposé à des fitaines par rapport à son âge. C'est qui le responsable? C'est le parent qui lui a acheté ce téléphone, qui lui a donné ce téléphone. On doit craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne suis pas la vague. Tout le monde donne le téléphone, khalas, on donne le téléphone. Et celui qui a été éprouvé, son enfant, il a pris l'habitude, falyad'ullah, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il essaye de limiter la casse. Limiter la casse en accompagnant cet enfant. Ou il va l'enfermer dans une chambre, lui donner ce téléphone, ou cette tablette, ou cette console. Thumma, tu penses que tu es en paix, bel ba'dna, c'est ce qu'ils veulent. Hatta, ces enfants, la yuz'ijunahum. Enfin, tu as une responsabilité, tu auras des comptes à rendre. يوم القيامة كلكم مسؤول وكلكم راع عن عن نعم كلكم مسؤول وكلكم راع عن مسؤوليتها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné de préserver notre famille. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Préserver de quoi? D'un feu, va. On est tous responsables. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa al-thabat. Hada bab al-uzla. C'était un chapitre assez simple, lakin n'oubliez pas le tafsil. Le tafsil du début, il est très très important. Na'am, ça peut être recommandé de s'isoler et ça peut être le fait de se mélanger, ça peut être meilleur. Wallahu a'lam. Et on passe à notre deuxième dars bi idnillah walhamdulillah.